La chanson de la rue, c'est tout à fait notre histoire. La chanson de la rue, chacun s'y reconnut. Les couplets, les refrains, qui ressemblent toujours, car on y parle uniquement d'amour. Les gens s'arrêtent et la voix émue sans façon répète la vieille chanson des rues. Modeste musique, poésie d'un sourd, nécessaire mélancolique, vous poursuit partout. On y parle de jeunesse, d'amour et de longs baisers, de serments et de tendresse, de clair de lune et d'été. Les gens s'arrêtent et la voix émue sans façon répète la chanson des rues. Parle de tristesse, de rêve et d'amour déçu, et du regret que vous laisse les années qui ne sont plus. Bien des gens s'arrêtent et la voix émue répète la triste.